Chapitre 7 du livre de Tobie, de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Or ils entrèrent chez Raguel, qui les reçut avec joie. Et Raguel, regardant Tobie, dit à Anne sa femme, « Que ce jeune homme ressemble à mon cousin !» Après cela, il leur dit, « D'où êtes-vous, jeunes gens, nos frères ?» Ils lui dirent, « Nous sommes de la tribu de Nephtali, du nombre des captifs de Ninive. » Et Raguel leur dit, « Connaissez-vous mon frère Tobie ?» Ils lui dirent, « Nous le connaissons. » Et comme Raguel en disait beaucoup de bien, l'ange lui dit, « Tobie, dont vous nous demandez des nouvelles, est le père de ce jeune homme. » Et Raguel, s'avançant aussitôt, le baisa avec larmes et pleurant sur son cou. Il dit, « Soyez béni, mon fils, car vous êtes le fils d'un homme de bien, du meilleur des hommes. » Et Anne, sa femme, et Sarah, leur fille, se mirent à pleurer. Et après cet entretien, Raguel ordonna qu'on tuât un bélier et qu'on préparât le festin. Et comme il les priait de se mettre à table, Tobie dit, « Je ne mangerai et ne boirai point ici aujourd'hui que vous ne m'ayez accordé ma demande et que vous ne me promettiez de me donner Sarah votre fille. » À ces mots, Raguel fut saisi de frayeur, sachant ce qui était arrivé aux sept maris qui s'étaient approchés d'elle, et il commença à craindre que la même chose n'arrivât aussi à celui-ci. Et comme il hésitait et ne répondait rien à la demande de Tobie, l'ange lui dit, « Ne craignez pas de la donner à ce jeune homme, car il craint Dieu, et c'est à lui que votre fille est due comme épouse. C'est pourquoi nul autre n'a pu la posséder. » Alors Raguel dit, « Je ne doute pas que Dieu n'ait admis mes prières et mes larmes en sa présence. Et je crois qu'il vous a fait venir afin que cette fille épousât quelqu'un de sa parenté, selon la loi de Moïse. Et ainsi ne doutez pas que je ne vous donne ma fille comme vous le désirez. » Et prenant la main droite de sa fille, il la mit dans la main droite de Tobie et dit, « Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob soit avec vous. Que lui-même vous unisse et qu'il accomplisse sa bénédiction en vous. » Et, ayant pris du papier, ils écrivirent l'acte de mariage. Et après cela, ils mangèrent en bénissant Dieu. Et Raguel appela Anne, sa femme, et lui ordonna de préparer une autre chambre. Et elle y conduisit Sarah, sa fille, qui se mit à pleurer. Et elle lui dit, « Aie bon courage, ma fille, que le Seigneur du ciel compense en joie le chagrin que tu as éprouvé. » Fin du chapitre 7.